cette nigga. Capitaine Paul Style. 2-3-7, j'arrive pour tout péter. 2015, je reviens pour tout rafler. La grosse équipe revient pour vous tacler. Capitaine, qu'on s'achire dans le but comme tu es là. 2-3-7, j'arrive pour tout péter. 2015, je reviens pour tout rafler. La grosse équipe revient pour vous tacler. Capitaine, qu'on s'achire dans le but comme tu es arrêté. Tu m'envoies des piques dans tes morceaux. Continue, on va retrouver ton corps en morceaux. Je te réponds pas, mais je dis ce que je veux car c'est mon morceau. Je te préviens, je suis en salle de gym pour me faire les dorsaux. Tu l'as niqué sans te protéger, t'as chopé une MST. Dagobert a craché, chéri va t'habiller. Ni salarié, ni employé, mais je paye mon banquier. Même si j'ai du taf pour ta mère, ouais, repasser mes billets. MC me serre pas la main, t'as le froc baissé. Sur l'autoroute du succès, j't'ai dévancé. Les bonnes manières, j'crois que je les ai oubliées. Bitch, prends ton pied surtout, ouais, n'arrête pas de me sucer. Franc-maçon de formation, je sais que tu l'ignorais. Avoir une grosse villa, vous c'est ce que tu voudrais. Fais comme les autres, nigga va te faire coucher. Assis au paradis près du Seigneur, c'est ce qui me plairait. 2-3-7, j'arrive pour tout péter. 2015, je reviens pour tout rafler. La grosse équipe revient pour vous tacler. Capitaine, qu'on s'achire dans le but comme tu es là. 2-3-7, j'arrive pour tout péter. 2015, je reviens pour tout rafler. La grosse équipe revient pour vous tacler. Capitaine, qu'on s'achire dans le but comme tu es là. Les lunettes après c'est mes et je les vois en 3D. J'innove comme Nextel, donc je rappe en 3G. Millionnaire dans ce foutu rap game, ça ne va plus tarder. Même si tu veux te réveiller, mais faut cesser de rêver. Je frappe de toutes mes forces comme Mbappé l'épée. Oh you peep, je rappe même en bas miléqué. Rapper mieux que toi n'est pas la priorité. Depuis que je vais au distributeur, moi je connais plus mon banquier. Tu me veux en spectacle, mais là j'en ai terre. Si tu n'as pas les domaines, va niquer ta mère. Non pitié, une business, faut grossir le chiffre d'affaires. Désormais ministre, le rap game c'est mon ministère. Grosse paire de Yoku, elle a cru que j'avais une hernie. 5h du mat, j'suis debout dans sa chair, demande pas son avis. A toute vitesse, veulent succès, pas besoin de permis. Pour remarquer la tâche à ta meuf, mets-lui une tache de vernis. Tâche de vernis, mets-lui une tâche de vernis. Enculé, une tâche de vernis. Pour remarquer la tâche de ta meuf, mets-lui une tâche de vernis. 2-3-7, j'arrive pour tout péter. 2015, reviens pour tout rafler. La grosse équipe revient pour vous tarquer. Capitaine, qu'on s'achire dans le but comme tu es arrêté.